C'est un désordre dans l'ordre, quand même. C'est-à-dire que, oui, mais c'est bien ce que c'est comme ça. Comment dire? Alors, d'une part, il y a l'armée stricte, avec ses ordres, ses règlements. Et là, on doit obéir. Et puis, d'autre part, il y a l'environnement, il y a l'ambiance. Où c'est vrai, il y a un certain nombre d'erreurs commises par la hiérarchie. Parce qu'elle-même est prise au piège de ce qu'on a appelé la pacification. C'est pas, comme on dit, parfois donner de la tête. Car c'est pas une guerre, comme vous le disiez, bien ordonnée. D'abord, il y a l'ennemi, on tire dessus, et puis nous, on est là, et on va avancer progressivement et faire reculer l'ennemi. Schématiser très, très vite, hein. Il n'y a pas de guerre complètement comme ça, mais enfin, admettons. Et nous, en fait, on est là, au milieu d'une population qu'on doit protéger, mais aussi qu'on doit combattre. Et c'était ça la grande ambiguïté de la pacification. C'est-à-dire que dans la première expérience de mon séjour, parce que j'ai eu deux expériences distinctes, où c'est celle que vous dites, c'est-à-dire on est là pour pacifier avec les colons qu'on protège, mais aussi pacifier aussi les musulmans contre effectivement la propagande du FLN, qui leur mène pas une vie facile non plus, il hein, faut le savoir. On sait que le FLN avait aussi ses pressions, ses fortes pressions et également ses crimes. Et moi, c'est pas mon affaire, hein. C'est l'affaire des Arabes. Moi, je suis français et je règle mes comptes avec le camp auquel j'appartiens. Non, parce que c'est une remarque qu'on me fait souvent, hein. Enfin, pas avec mon livre, mais bien avant, quand j'ai eu l'occasion de témoigner quelquefois de la guerre d'Algérie, mais pourquoi vous parlez toujours des crimes de Français et pas des crimes qui règlent leurs affaires, moi, je... Bref, mais donc. Le gars à qui on va serrer la main et qu'on protège, je parle de l'arabe, si ça se trouve, la nuit prochaine, il va nous défendre, il va nous descendre. Hein, parce qu'il est aussi maquis, aussi, la nuit, il est maquisard. Ou s'il n'est pas, il plante les maquisards, il plante les fusils des maquisards, etc. Donc c'est à la fois un type qu'on doit protéger, mais à la fois aussi d'un type qu'on doit se méfier, donc il devient très vite le suspect. Tout le monde est suspect. À partir du moment qu'on a 16-17 ans, on est suspect. L'homme. J'oublie que les femmes aussi étaient souvent des agents du FLN. C'est curieux, à l'époque, on n'avait pas conscience que les femmes aussi avaient un rôle révolutionnaire. Et puis, dans tout cela, il y a des erreurs dans la hiérarchie, parce que c'est pas facile de mener une guerre comme ça. Et quand on va en patrouille, qu'on n'a pas suffisamment peut-être étudié le terrain et qu'on lance deux patrouilles distinctes qui vont se tirer dessus, ça fait un copain blessé ou mort à cause d'un autre copain qui était de l'autre côté. Mais ça, c'est pas du cinéma, hein, c'est de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a aussi des jeunes soldats du contingent qui ont été tués par leurs copains. Hein, parce que la hiérarchie déconnaît complètement. Pourquoi elle déconnaît? Parce qu'elle paniquait, parce qu'elle était mal renseignée, parce qu'elle perdait son sang-froid, il fallait tirer là alors qu'il ne fallait pas tirer. Donc la hiérarchie, petit à petit, là-bas, n'est plus la hiérarchie de la caserne. Hein. Je veux me voir d'une tête, ce n'est plus ça. La hiérarchie savait bien qu'il y a une limite aussi dans des ordres à donner à des gars. En ont plein, excusez-moi l'expression, plein de cul d'être là. Parce qu'ils font un service militaire de 18 mois. La veille de leur libération, on leur dit qu'ils vont rester 2 mois. La veille des 2 mois supplémentaires, on leur dit qu'ils vont rester encore 2 mois. Et la troisième fois, on leur dit encore qu'ils vont rester 2 mois. Alors là, ça suffit, qu'on nous foute la paix. Hein. Et la hiérarchie savait bien ça. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé des notes dans les archives de l'armée à Vincennes, où il y a des hauts gradés. Très haut gradé, jusqu'aux généraux, qui se plaignaient de cette situation au haut commandement à Alger, en disant arrêtez de nous informer que tel contingent ne va pas encore être libéré et de nous le dire que quelques jours avant. C'est insupportable, à la fois pour nous, mais aussi. Donc tout ça fait que, il faut se démerder un peu chacun pour soi, à la fois quand on est lieutenant, quand on est capitaine, mais à la fois aussi quand on est lieutenant du contingent, ou sous-lieutenant, ou sous-officier du contingent, ou simple soldat. Il faut sauver sa peau, on a nos failles, chacun ses failles. Et à la fois, la hiérarchie compte sur les autres, sur le fait que les jeunes du contingent ne fassent pas trop de conneries, obéissent bien aux ordres, etc. Parce que s'ils font des conneries, on peut le payer aussi nous, cher pour notre vie. Et puis à la fois les sous-fifres, les jeunes du contingent, en viennent à avoir une certaine autorité de fait sur leur hiérarchie, parce qu'ils savent que cette hiérarchie a des failles. Donc, c'est vrai, ce que vous dites, ça peut donner le sentiment qu'il y a un désordre. Cela loin un peu de cette sorte de guerre. Par contre, la deuxième expérience que j'ai vécue, qui est aussi une forme de guerre de l'Algérie, là, une vraie guerre, c'est dans le massif de l'Oasis, deuxième partie de mon livre, enfin, deuxième partie, non, c'est masse, c'est ma thèse, c'est le gâchis, mais c'est aussi le fait que j'ai vécu dans la montagne, où là, c'était la zone interdite, ce qu'on appelait rapidement les zones brûlées. C'est-à-dire que là, on savait que c'était les armées du FLN en force, plusieurs centaines de combattants du FLN qui étaient là, bien organisés, bien retranchés, etc., et qui menaient des opérations très fortes contre nous. Et là, c'était évidemment une armée contre une autre armée. Là, il n'y avait plus de population, là, sauf dans les villes où on descendait faire les courses. Mais sinon, là où on était, il n'y avait plus de population. Et quand il restait un peu de population, on brûlait les meschtas, et puis les gamins et les femmes qui restaient, ou les vieillards, parce qu'il n'y avait plus d'adultes. Soit les adultes, ils étaient passés dans l'armée française, soit ils étaient dans le maquis. Mais là, c'est une guerre, alors là, ouverte. Il n'y avait plus de sentiments, il n'y avait plus de. Donc là, il y avait quand même une très forte.